C'est bon, Phil? Cette musique, elle me fait des. À chaque fois, ça me fait dresser les poils. J'ai pas les notes. Voilà. Thank you. C'est bizarre.